quand tes sueurs aperçois un orage et puis des hommes qui s'entassent. J'ai pas compris. Ils s'entassent ou ils s'embrassent. Je sais pas, je m'en fous, je suis dans le réel. Ils s'entassent ou ils s'embrassent. Je m'en fous. Dans la houle grimaçant tes sueurs, les bonnes mœurs sont en pagaille normale pour des funérailles. Finalement, les gens sont cravachés comme des guimauves alambiquées. Je m'en fous. À mon enterrement. À mon internement. À mon enterrement. À mon internement. À mon enterrement. Je brûlerai mes ailes à fondre dans le ciel. À fondre dans le ciel. À mon internement, les fleurs s'étioleront, elles s'envoleront dans l'espace. Vivant que le temps passe. Vivement que le temps passe. Dans les nuits ruisselantes et sans âme, les filles jouent underground à danser sur des cadavres. Elles s'enfoncent. Elles s'enfoncent. Elles s'enfoncent. Elle s'enfonce dans un délice matériel. Je m'en fous. J'ai pas compris.